Bonsoir, chers auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Bienvenue dans son journal en français, dont voici les titres. La Paris Action pour le réveiller des consciences et évolution des mentalités par CM propose qu'il y ait la diversification des sources d'approvisionnement des produits de première nécessité et faciliter les importations. Cela permettra la mise en exécution de la décision du chef de l'État pour réguler le prix des produits. Faustin Dikoumana, vous l'entendrez dans ce journal. Le manque de frais de loyer et l'incapacité à payer les employés sont quelques conséquences déjà enregistrées par certains détenteurs des bistrots dans la zone Ebgiza, mairie de Bujumbura, suite à la pénurie des produits Braroudi. Et à Gitega, l'annulation de la mesure de déclenchement d'un mouvement d'arrêt de travail des enseignants bénévoles et de la commune Gitega prévue le 13 courant. Ces enseignants ont plutôt signé un nouveau contrat de travail et de bénévolat ce lundi. Voilà pour les titres. Albert Ndoye sur la mise en onde. Jean-Marie Mayonga, la présentation. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons cette édition par la page commerce. Et le manque de frais de loyer et l'incapacité à payer les employés. Voilà quelques conséquences déjà enregistrées par certains détenteurs de bistrots dans la zone Ebgiza, à mairie de Bujumbura, suite à la pénurie des produits Braroudi. En outre, les détenteurs de ces bistrots qui se sont exprimés indiquent qu'ils éprouvent des difficultés énormes concernant la satisfaction des besoins de leur famille ainsi que le paiement des taxes et impôts. Au niveau de l'administration, l'on a affirmé que la pénurie des produits Braroudi est un problème chez les détenteurs des bistrots au Merndouaille. Beaucoup de bistrots se situant sur la 4e et 10e avenue de cette zone de Bouiza sont remplis de casiers et bouteilles vides. Les congélateurs conservent les Fanta de marque Vitalo, mais en une petite quantité. Des employés et leurs patrons sont presque désœuvrés, assis sur les chaises devant les portes de leur cabaret fermé. Ce détenteur de bistrot dit qu'il ne parvient plus à maximiser ses tâches, notamment le paiement des employés, le loyer et autres, puisqu'il ne travaille plus comme avant. Il nous approvisionne une fois le mois et en petite quantité. Par exemple, deux casiers. En décembre, un bistrot a reçu 34 casiers. Tu trouves qu'un bistrot a entré légèrement plus de 100 000 francs burundais. Moi, je paie 450 000 pour le loyer. Mes deux employés consomment 12 000 la journée. Je ne parviens plus à satisfaire tous mes besoins. Une situation qui préoccupe également son employé, qui se demande la vie qu'il mènera après la fermeture du bistrot de son patron. Il est difficile de nous payer ces derniers jours. Le propriétaire du bistrot dit qu'il ne gagne plus alors qu'il doit payer le loyer. Pour ça, il préfère payer le loyer et d'autres charges, nous promettant de nous payer après. Cette situation impacte négativement notre vie et celle de nos familles. Selon Jean-Claude Nyonzima, propriétaire de la parcelle où se situe ce bistrot, trouve que résilier le contrat avec le détenteur du bistrot est la meilleure solution, accusant son locataire l'incapacité de payer le loyer. Le chef du quartier 3 de la zone Ebgiza affirme que la pénurie des produits Braroudi peut causer des mésententes entre l'employé et son patron suite à l'absence du salaire. Amos Shemirimana indique qu'il transmet souvent cette question à ses supérieurs pour trouver solution. Depuis la mesure de faire respecter les prix des produits, mon quartier a été approvisionné deux fois seulement. Certains bistrots sont servis et d'autres non. Les locataires ne travaillent pas bien alors qu'ils doivent rationner leurs employés. Les inquiétudes ne peuvent pas manquer. Nous donnons souvent des rapports à nos supérieurs. Nous attendons la réponse. De même que ces autres, cet administratif à la base demande la Braroudi à produire plus pour satisfaire la demande. Merci Omer Douaï. Toujours dans le domaine du commerce, c'est la décision du chef de l'État recommandée au ministère du Commerce c'est de réguler le prix des denrées alimentaires dans un délai de 15 jours est une bonne idée selon le directeur national de l'organisation Parole et Action pour le réveil et des consciences et l'évolution des mentalités par ces mais. Cependant, Faustin Dikoumana craint qu'elle pourrait créer des effets néfastes en cette période de pénurie de carburant qui paralyse les transports, notamment l'abandon de leur importation. Il propose qu'il y ait entre autres les diversifications des sources d'approvisionnement en ces produits, la facilitation des importateurs. Suivez Faustin Dikoumana, directeur national de la PARSEM. PARSEM est considéré ça comme ça, c'est une idée, mais qui est vue comme un idéal parce qu'il serait difficile de l'appliquer. PARSEM éprouve des inquiétudes par rapport à sa mise en application parce qu'il est constaté qu'il y aura beaucoup plus de risques. D'abord, la régulation, par principe, devient beaucoup plus pratique quand il y a un monopole ou un oligopole ou quelques individus qui se partagent le marché. Or, dans ce cas, il y a plusieurs offreurs et plusieurs acheteurs. Encore plus, les circuits d'approvisionnement sont différenciés. Certains viennent de l'intérieur et d'autres de l'extérieur. Le coût de production n'est pas maîtrisé pour tous les produits qui entrent en ville de Bujumbura. Sans parler des difficultés liées au transport suite au coût et l'arrêté de certains produits comme le mazout. Et donc, il y a un risque de voir ces produits se raréfier beaucoup plus. Et partant alors, les prix augmenteraient. Exploserait beaucoup plus. Je crois que quelque part, il faudra une bonne analyse, une étude approfondie par rapport à cela. En principe, normalement, dans l'agriculture, il y a ce qu'on appelle une loi docking. Quand la production augmente, les prix se régulent, chutent. Les prix de ces marchandises chutent de même. On constate que des cas, quand un kilo de pommes de terre peut arriver à 3 000, le lendemain 2008, ça 2004, ça 2002, donc ça se régule de même. Alors que si on fait la mesure, il y a risque vraiment qu'il y ait des tracasseries qui pourraient produire l'effet contraire. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait de la stratégie de l'offre. Permettre à multiplier l'offre, voir comment faciliter même les produits qui viennent de l'extérieur pour venir compléter le marché intérieur. Sinon, même au niveau pratique, ça serait difficile d'appliquer la mesure. Faustin Dikoumana, directeur national de la PARSEM et le parti UPDZ Gamigbanga, trouvent que le travail de réguler les prix donnés au ministère du Commerce par le chef de l'État est exécuté avec minutie. Abdul Kassim, président de ce parti, estime que le ministère du Commerce devrait collaborer avec les représentants des consommateurs et des commerçants pour bien le faire. Selon lui, cela permettra que les décisions qui seront prises soient durables. Suivez-le. Bien qu'il reste très peu de temps à notre avis, mais nous pensons que le ministère du Commerce devait faire ce travail avec beaucoup de tact. D'abord en consultant les commerçants qui sont concernés par ce commerce, mais aussi en consultant les consommateurs. Parce que s'il est vrai que les commerçants ont besoin d'un intérêt, mais les consommateurs également ont besoin que les prix soient abordables. Alors pour concilier, il faut concilier alors l'intérêt des commerçants et l'intérêt des consommateurs. Et c'est là où on peut trouver le juste milieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il ne suffit pas de décider sur les prix, mais il faut aussi se rassurer sur les mécanismes de mise en œuvre de ces mesures-là. Parce que si on doit fixer les prix qui ne seront pas respectés en aucun cas, je crois que ça sera également une peine perdue. On voit parfois des amendes qui sont faites aux commerçants pour avoir, notamment pour les débits de boissons. Mais pourquoi ça ne s'arrête pas, ça continue. Je crois que le ministère du Commerce aussi devait aussi voir pourquoi cet état de choses ne s'arrête pas. Le ministère du Commerce, à notre avis, ne devait pas se focaliser sur le délai court qui a été donné, mais tenir compte de l'efficacité de l'action qu'il va faire. Radio Isanganiro, le journal continue, page éducation, annulation de la mesure de déclenchement d'un mouvement d'arrêt de travail des enseignants bénévoles de la commune Gitega prévue pour le 13 courant. Ces enseignants ont plutôt signé un nouveau contrat de travail de bénévolat ce lundi. C'était lors d'une réunion organisée par la direction communale de l'éducation et l'administration communale à Gitega à leur intention. Ils avaient récemment adressé une correspondance à la direction provinciale de l'éducation à Gitega pour lui annoncer cet arrêt de travail au cas où leur revendication de revoir à la hausse les frais bénévoles et de les rendre réguliers mensuellement ne serait pas prise en compte. Le point avec Gérald Nibigir. Ces enseignants bénévoles de la direction communale de l'éducation à Gitega qui avaient participé à cette réunion organisée à leur intention par le duo directeur communal de l'éducation à Gitega et le secrétaire permanent de l'administrateur de la commune Gitega ont annulé le préavis d'un mouvement d'arrêt de travail qu'ils avaient fixé au 13 courant, du moins tel que ça apparaît dans une correspondance du 31 décembre dernier adressée à madame la directrice provinciale de l'éducation à Gitega. Pluton, ils ont ce lundi signé un nouveau contrat de travail de bénévolat au terme de la dite réunion. Ainsi, dans son allocution, le directeur communal de l'éducation à Gitega, Nepemisen Ndayavugwa, a rappelé aux enseignants bénévoles présents que le bénévolat n'est pas obligatoire, mais il est le résultat d'une vocation et d'un patriotisme et non la recherche d'une quelconque rémunération. Et donc, fait le bénévolat, c'est lui qui veut. Il lui a aussi conseillé de songer à dialoguer avec les responsables et éducatifs et communaux de Gitega chaque fois qu'il y a l'un ou l'autre problème concernant leurs revendications, dont la régularité mensuelle de leurs frais bénévoles. Le secrétaire permanent de l'administrateur de la commune Gitega, Pierre Claver et Harushimana, leur a dit que ces frais résultent des cotisations des parents et donc des fois les parents tardent à les payer. Il s'agit donc de 1000 francs par trimestre et par éduqué de la première année de l'école fondamentale et à la classe terminale du fondamentale. À propos de leur deuxième revendication de revoir à la hausse ses frais bénévoles, il a précisé que l'administrateur de Gitega envisage rencontrer les parents pour échanger sur ce point. Et enfin, à propos de leur revendication de virer les frais bénévoles à leur compte bancaire, il a répondu que non, de peur de se retrouver dans des cas de situation bancaire négative suite au retrait des frais de tenue de compte, du moment que les frais bénévoles sont irréguliers. Plutôt, il a promis d'acheminer les frais bénévoles vers les coins les plus éloignés comme la zone Mubuga et la zone Mungwa. Vous saurez que ces enseignants bénévoles sont restés bouche bée durant toute la réunion malgré les séances de parole qui leur ont été offertes. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isangani. Merci à Jérémy Bigira. Toujours dans le domaine de l'éducation, le deuxième trimestre de cette année scolaire a débuté ce lundi, alors que les enseignants de la cinquième année dans la province Bururi font toujours face au manque de livres et guides du maître. Et toutefois, ces enseignants, de même que leur directeur, saluent la disponibilité des livres pour les élèves qui manquaient, même au premier trimestre, demandent que le livre du maître soit également disponible. Au niveau de toutes les directions communales de l'éducation de la province scolaire de Bururi, on indique que ces guides sont toujours attendus. Zeno Nzamimana. Aux différentes écoles comme aux écoles fondamentales de Kabuye, Nyamugali 1 et 2, au lycée communal de Bururi, en commune de Bururi, où nous avons pu sillonner les cours du deuxième trimestre de cette année, ont débuté le matin de ce lundi 6 janvier 2025. Toutefois, aux écoles ayant la cinquième année, les directeurs et les enseignants de ces écoles ont évoqué le manque de livres du maître contenant la nouvelle approche pour cette classe et demande que ces livres soient disponibles. Mais ces directeurs et enseignants ont vivement salué que les livres des élèves qui manquaient au cours du premier trimestre de cette année sont aujourd'hui disponibles et en quantité suffisante. À titre initiatif, l'école fondamentale Kabuye, qui compte 39 écoliers de la cinquième année, a eu 31 manuels pour chaque branche. Tous les directeurs communaux de l'éducation de la province scolaire de Bururi avec qui nous sommes entretenus confirment que les manuels pour les élèves pour la classe de 5e année sont disponibles et en quantité suffisante. Et la majorité de ces premiers responsables scolaires les ont récupérés aux directions communales de l'enseignement avant le début de ce trimestre pour que les cours commencent à temps. Concernant les guides du maître du deuxième trimestre pour la classe de 5e année, ces directeurs disent qu'ils attendent toujours leur livraison. Eux aussi demandent que ces livres soient disponibles. C'est au moment où tout le premier trimestre de cette année a été caractérisé par le manque de livres du maître et des élèves pour cette classe dans toute la province scolaire de Bururi, où tout un réseau scolaire qui compte entre 5 et 10 écoles pouvait partager 2 ou 3 livres. Depuis Bururi, Zeno Nzamimana pour la radio Isanganiro. Merci à Zeno Nzamimana. Page sécurité à Ubanza, une famille de la colline Rugunga de la commune Gianga composée de 9 personnes, et cet enfant et leurs parents sont à cachette depuis ce vendredi suite à une attaque faite dans ce ménage où des gens non identifiés ont lancé des pierres sur la maison et des cultures proches et détruites. Nguriki Emmanuel, chef du ménage accusé de la sorcellerie, demande d'être rétabli dans ses droits. L'administrateur de la commune Gihanga et le commissaire communal de police expliquent qu'ils ont déjà commencé les enquêtes depuis ce samedi et que les auteurs de ce forfait doivent être identifiés et sanctionnés. Le point avec Spes Caritas Cabanyan. Il s'appelle Emmanuel Nkurikiye, cet homme, père de sept enfants qui vivent tous en cachette depuis ce vendredi. Après des attaques dirigées vers son ménage, selon les témoins sur place, Arugunga, le chef de famille qui était à la commune ce lundi matin, dit qu'il est accusé de sorcellerie dès qu'un certain marabout, voisin de cette famille, s'y est rendu et a commencé à manger des herbes comme un animal. Les malfaiteurs non encore identifiés ont alors lancé des pierres sur la toiture de la maison de cette famille. Ils ont brûlé la clôture de la maison et ont même détruit des cultures proches, selon Emmanuel Nkurikiye, qui demande que justice soit faite et qu'il y retourne dans sa maison avec sa famille. L'administrateur de la commune Gihanga, Léopold Ndayisaba, tout comme le commissaire communal de police, explique qu'ils ont suivi de près ce qui est arrivé dans cette famille et que les auteurs de ces attaques seront sanctionnés conformément à la loi une fois identifié. Spécialitas Kavanyana, Bumanza, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Ces équipes participent chaque année dans le championnat national de karaté. Christophe Ngrundiza, président de la Fédération burundaise de karaté, fait savoir que ces équipes jouent d'abord les matchs éliminatoires qui sont organisés dans quatre régions du pays dans le but d'obtenir l'effectif de quatre équipes et quatre karatéka qui s'affrontent dans la finale. Chronique sportive avec Jean-Marie Vianney Gendakouman. Avant d'organiser ce championnat national, la Fédération burundaise de karaté élabore au début de l'année un calendrier de toutes les activités prévues toute l'année. Christophe Nkurunziza, président de la dite fédération, fait savoir qu'après cela, on invite tous les clubs membres de la fédération qui sont en ordre à participer dans ce championnat. Un championnat comme dans toutes les activités, dans toutes les fédérations, c'est un événement important. On invite tous les clubs membres, bien sûr, tous les clubs qui y participent et qui sont en ordre avec la fédération, qui ont aussi des licences à participer. Au début de l'année, on fait calendrier annuel et on met le championnat. Les clubs de karaté qui participent dans le championnat national s'affrontent d'abord dans les matchs éliminatoires organisés dans les quatre régions du pays. On commence par les régions. Donc on a région donc ouest ici, après on a centre et sud. Et quand on fait les tournois éliminatoires, ceux qui vont venir en finale, c'est les quatre premiers. Ils font les finales et après on a le champion. Dans chaque catégorie, dans chaque équipe. Le règlement régissant ce championnat stipule que les compétitions individuelles et en équipe dans les différentes disciplines sont organisées aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Comme le règlement, il y a les compétitions en individuel, kata comité, il y a les compétitions en équipe, kata comité, côté hommes, côté aussi dames. Il y a une équipe arbitrale. Et les coachs et les organisateurs. Le président de la Fédération burundaise de karaté indique que, côté individuel, le premier de ce championnat reçoit une médaille d'or et ceux qui jouent en équipe reçoivent cette médaille d'or avec une coupe. Et quand on fait un championnat comme ça, le premier, après, le premier a toujours la médaille d'or, la médaille d'argent, le deuxième, la médaille de bronze et le troisième, le quatrième. En équipe, la première équipe, que ce soit les hommes, dames, kata, comité, une coupe. Christophe Nkurunziza ajoute que ce championnat national permet de faciliter la sélection des meilleurs joueurs de l'équipe nationale de karaté. Et pour former l'équipe nationale, ça nous facilite à partir de ce championnat. Parce qu'on a toujours les quatre médailles, on prend les quatre premiers de ce championnat pour préparer l'équipe nationale. Et après, quand on est invité par le championnat du monde ou le championnat continental, on fait donc une demande au ministère, suivant l'effectif accordé, on choisit là où on peut avoir la médaille, parce qu'on voit, on sait comment ça tourne, on voit les résultats des autres. On dit tel, dans cette catégorie, puisqu'on n'a pas assez de moyens, on met souvent les catégories de moins de 60 kilos. Après, ils sont encore jeunes. Et aussi, on m'a dit assez stratégique. On m'a dit aussi, ils sont jeunes. On est à presque même expérience. Pour le moment, 16 à 20 équipes affiliées à la Fédération burundaise de karaté participent dans ce championnat national. Mais selon les enquêtes qui ont été menées par la Fédération, il y a plus de 60 clubs qui ne sont pas membres de la fédération. Il y a entre 16 et 20 qui participent, mais depuis quand on a la fédération, on a commencé avec 3 clubs. Après, on a monté jusqu'à 8 à 10. Les effectifs montent régulièrement. Quand j'ai été élu en 2017, j'ai demandé au secrétaire général adjoint de faire le tour du Burundi pour pouvoir qui pratique réellement au Burundi le karaté. On était arrivé à 3200 karatékas dans tout le pays et plus de 67 clubs. Mais malheureusement, il y a ceux qui n'ont pas de dojo qui s'entraînent dans la brousse. Dans la prochaine chronique sportive, Christophe Nkurunziza expliquera les défis qui hantent l'organisation de ce championnat national et proposera les voies de solution. Jean-Marie Vianney, Ngendakumana. Fin de ce journal et merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes et bonne soirée chez vous.